la duchesse et le ministre eurent bien à réparer quelques étourderies. Mais en général, Fabrice suivait à Naples assez sagement la ligne de conduite qu'on lui avait indiquée. Un grand seigneur qui étudie la théologie et qui ne compte point absolument sur sa vertu pour faire son avancement. À Naples, il s'était pris d'un goût très vif pour l'étude de l'Antiquité. Il faisait des fouilles. Sans doute, il ne manquait point de maîtresse, mais elle n'était pour lui d'aucune conséquence, et malgré son âge, on pouvait dire qu'il ne connaissait point l'amour. Il n'en était que plus aimé. Une des dames les plus admirées de Naples avait fait des folies en son honneur pendant la dernière année de son séjour, ce qui d'abord l'avait amusé et avait fini par l'excéder d'ennui, tellement qu'un des bonheurs de son départ fut d'être délivré des attentions de la charmante duchesse d'A. Ce fut en 1821 qu'ayant subi passablement tous ses examens, son directeur d'études ou gouverneur eut une croix et un cadeau, et lui partit pour voir enfin cette ville de Parme à laquelle il songeait souvent. Il était Monsignore, et il avait 4 chevaux à sa voiture. À la poste, avant Parme, il n'en prit que 2, et dans la ville, fit arrêter devant l'église Saint-Jean. Là se trouvait le riche tombeau de l'archevêque Ascanio del Dongo, son arrière-grand-oncle, l'auteur de la généalogie latine. Il pria auprès du tombeau, puis arriva à pied au palais de la duchesse qui ne l'attendait quelques jours plus tard. Elle avait grand monde dans son salon. Bientôt, on la laissa seule. « Eh bien, es-tu contente de moi ?» lui dit-il en se jetant dans ses bras. « Grâce à toi, j'ai passé 4 années assez heureuses à Naples. » La duchesse ne revenait pas de son étonnement. Elle ne l'eût pas reconnu à le voir passer dans la rue. Elle le trouvait, ce qu'il était en effet, l'un des plus jolis hommes de l'Italie. Il avait surtout une physionomie charmante. Elle lui trouvait tout le feu de sa première jeunesse. C'était un diamant qui n'avait rien perdu à être poli. Il n'y avait pas une heure que Fabrice était arrivé lorsque le comte Mosca survint. Il arriva un peu trop tôt. Ce jeune homme fait ici une étrange impression, se dit-il. Cette réflexion fut amère. Le comte avait atteint la cinquantaine. C'est un mot bien cruel, et dont peut-être un homme éperdument amoureux peut seul sentir tout le retentissement. À ses yeux, ce mot cruel, la cinquantaine, jetait du noir sur toute sa vie, et eût été capable de le faire cruel pour son propre compte. Depuis 5 années qu'il avait décidé la duchesse à venir à Parme, elle avait souvent excité sa jalousie, surtout dans les premiers temps, mais jamais elle ne lui avait donné de sujet de plainte réel. Il était sûr, par exemple, qu'elle avait refusé les hommages du prince, qui même à cette occasion avait dit un mot instructif. Mais si j'acceptais les hommages de votre Altesse, lui disait la duchesse en riant, de quel front oser reparaître devant le comte Mosca? Je serais presque aussi décontenancé que vous. Le cher comte, mon ami, mais c'est un embarras bien facile à tourner et auquel j'ai songé. Le comte serait mis à la citadelle pour le reste de ses jours. Au moment de l'arrivée de Fabrice, la duchesse fut tellement transportée de bonheur qu'elle ne songea pas du tout aux idées que ses yeux pourraient donner au comte. L'effet fut profond et les soupçons sans remède.